Grosse nouvelle qui est survenue au cours de dimanche matin, la Ligue canadienne de hockey qui met fin à ses activités. Évidemment, les gens connaissent les Canadiennes de Montréal, connaissent la Coupe Clarkson. C'est un match enlevant contre Calgary, il y a quoi, 2 semaines passées. Là, les Canadiennes se ramassent avec plus d'équipe et on en parle avec plus d'équipe, plus de ligue, c'est-à-dire, on en parle avec, vous la connaissez bien, c'est pas mal une des personnes les plus. Dont le visage, on voit le plus quand il est question de hockey féminin. C'est Danielle Sauvageau. On va parler de la situation. Bon après-midi, Mme Sauvageau. Bonjour. Mme Sauvageau, actuellement, moi, j'ai dit au départ que c'était peut-être un mal pour un bien, ce qui s'est passé, parce qu'il y avait deux ligues actuellement en Amérique du Nord et c'était deux ligues qui se compétitionnaient. Là, le fait qu'il y en ait une qui tombe, moi, je pensais que c'était quelque chose je pensais que c'était quelque chose de positif. Comment vous voyez ça, vous? Bien, en fait, le fait qu'il y ait une ligue qui ne poursuit pas ses activités dans le modèle actuel, pour rappeler, je pense, aux gens que c'était une ligue qui opérait avec un profil d'organisme à but non lucratif, et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut regarder avec cette ligue-là. Maintenant, lorsque le commissaire Jenna Efford et le conseil d'administration disaient qu'il était optimiste, dans la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est de regarder justement d'avoir un modèle d'affaires et non un organisme à but non lucratif. Et je pense que c'est de ce côté-là que le Task Force ou le groupe regarde, un groupe qui est composé par, entre autres, Meg Ewings et Sammy Joe Small du côté des GM de Montréal et de Toronto, ainsi que les deux représentantes de l'association des joueurs, si on veut, de la Ligue Toronto et aussi de Montréal, là, avec Karel Aimard et j'oublie son nom, Vix Knox, en okay. fait, Liz Knox, pardon, de Toronto. Alors, je pense que, oui, il faut regarder maintenant vers l'avant. Et oui, il reste une ligue qui s'appelle la NWHL, qui voudrait, évidemment, d'avoir maintenant... avoir au moins deux équipes de cette ligue-là, mais je pense que le groupe présentement, ce qu'on regarde, c'est de vraiment devoir à trouver un endroit pour les 150 joueuses. Il faut se rappeler là, que quatre équipes canadiennes ainsi qu'une de Boston et une de la Chine. Okay. Alors, je pense que ce sont plutôt vers de nouvelles façon de faire que les joueuses souhaiteraient maintenant se retrouver. OK. Est-ce que la Ligue nationale de hockey est impliquée? Parce qu'on entend dire que Gary Bettman a été contacté pour peut-être commanditer que la Ligue nationale devienne un des principaux partenaires de cette Ligue-là. Est-ce que Bettman a été contacté? En fait, la NWHL a contacté justement le bureau de la Ligue nationale, et puis la Ligue nationale a annoncé qu'effectivement ils étaient pour continuer. Alors, il n'y a pas de nouvel argent. Alors, on joue malheureusement beaucoup sur les mots, ça mêle tout le monde, mais la Ligue nationale a simplement diffusé le 50 000 $ qui est attribué à la Ligue canadienne vers la Ligue, on va l'appeler la Ligue américaine. Okay. Mais c'est pas de la nouvelle argent. Et c'est vraiment cette ligue-là qui en ont fait l'annonce. Et moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais lorsque la Ligue nationale annonce un investissement majeur ou de nouveaux argents, habituellement, c'est eux-mêmes qui font l'annonce. Et dans ce cas-ci, c'est la Ligue qui le fait. Alors, j'ai des points d'interrogation de ce côté-là. La NBA, moi, je regarde ça l'été, on l'a WNBA. Et c'est parrainé beaucoup par la NBA. Pourquoi que la Ligue nationale de hockey fait pas ça? Mais en fait, c'est à eux, à eux de le demander dans quel modèle d'affaires. On a entendu souvent M. Bettman se prononcer en disant que les modèles d'affaires, autant du côté, ce côté-ci de la frontière que de l'autre côté, ne cadrent pas dans son modèle d'affaires ou dans sa vision. Alors, c'est une des raisons pour laquelle, moi, ça m'indique de vraiment regarder un nouveau modèle, de prendre le temps de le faire. Et je rappelle qu'il y a un championnat du monde qui débute demain avec un match. Les 14 matchs vont être diffusés là, sur les ondes de RDS. Alors, moi, ce que j'invite aussi là du côté de la frontière américaine avec la commissaire qui est là, de laisser les joueuses jouer. Et on aura le temps, là après le championnat du monde, de reprendre justement les pourparlers avec elles. Mais les indications qu'on a présentement, c'est que le souhait pour tout le monde, c'est de vraiment repartir à neuf et de regarder qu'est-ce qui pourrait être mis en place qui atteindrait en même temps autant les gens qui pourront s'impliquer. Jusqu'ici, vous savez, la ligue commanditaire est grandement commanditée. La plupart des commanditaires voudraient peut-être passer davantage vers la ligue nationale que directement vers une potentielle ligue. Alors, ce sont des choses qu'il faut regarder, prendre le temps de le faire, mais en même temps, ce qui est important, c'est de moi, j'en suis convaincu qu'il va y avoir des matchs de hockey en septembre prochain. Dans quelle forme, on va le voir, mais je suis convaincu. Les Canadiens de Montréal sont là pour rester. Les Furies de Toronto sont là pour rester, quitte à opérer sur un modèle de club pour l'instant et de voir dans un deuxième temps. Mais je pense qu'on devra prendre le temps de bien bâtir les fondations et non de partir parce que là, présentement, il y a des équipes et de sauter sur l'offre, entre autres, de la Ligue NWHL. Ça, vous seriez pas pour ça? Présentement, au moment où on se parle, il faut prendre l'information et pour l'instant, pour moi, je ne recommanderais pas cette avenue-là. Pourquoi? Parce que ce serait de sauter sur on n'a pas de place de jouer, on va aller où il y a une place, sans même regarder les fondements même de cette ligue. Je pense que c'est important de regarder pourquoi cette ligue-là est partie à quatre équipes il y a à peine quelques années. Pourquoi cette ligue-là aujourd'hui saute rapidement sur l'occasion de dire de parler à des joueurs en disant créez-vous une équipe et venez jouer dans notre ligue. Je pense que toute bonne business doit d'abord s'asseoir, de vraiment regarder les plans d'affaires et de regarder la mission ou la vision et de voir si ça cadre vraiment dans les plans. Alors, on a des joueuses qui sont cardées au Canada, alors il faut regarder aussi si le fait que ces joueuses-là joueraient dans cette ligue-là perdrait justement les subventions qu'elles reçoivent de Hockey Canada via, évidemment, Sport Canada. Alors, il y a beaucoup de questions qui, présentement, demeurent sans réponse. Et si on veut bien faire les choses, on va y arriver, mais il faut vraiment avoir toute l'information. Et pour l'instant, il n'y a rien qui indique que la meilleure option, serait de créer ou de prendre les Canadiens de Montréal et de joindre cette ligue-là. OK. Dites-moi, Mme Sauvageau, les Canadiens, les assistants, ça ressemble à quoi à peu près? Les assistances, ouais. Écoutez, les Canadiennes cette année ont joué dans 4 amphithéâtres différentes et je pense qu'en bout de piste, c'est quand même une bonne chose parce que ça rejoint 4 régions complètement différentes. Okay. Alors, on parle, il y a eu quelques matchs qui ont été à guichet fermé dans un aréna qui, je pense, contient 1200 personnes. Mais en même temps, je pense que la question... c'est de dire pourquoi qu'il n'y a pas plus de monde. Mmh. Et en même temps, on pourrait faire mieux. Et moi, je suis convaincue que ça passe aussi à travers les médias. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais s'il y avait du monde dans les estrades, il y aurait du monde. Mais en même temps, moi, j'ai le goût de vous dire que si on voyait plus de sport féminin, tout confondu à la télévision, on apprécierait plus davantage le sport féminin. L'analogie que je prends souvent, j'adore le tennis, monsieur. J'adore le tennis. Ah oui. Mais savez-vous quoi? Le dimanche après-midi, ce qu'on nous présente, c'est du tennis masculin. Alors, qu'est-ce que je connais le plus? Je connais davantage les joueurs de tennis parce que c'est ceux-là qu'on nous présente, c'est ceux-là que j'apprends à connaître et à apprécier. Alors, je pense que je voyais cette semaine dans les médias que plusieurs députés québécois voudraient avoir davantage de contenu francophone, entre autres sur Netflix. Alors, pourquoi on ne devrait pas demander aussi d'avoir plus de contenu de sport féminin, en l'occurrence du hockey féminin, dans nos plateformes médiatiques? Alors, je pense que ça, à un moment donné, il va falloir aussi se pencher la question. Alors, qu'est-ce qui vient avant? D'avoir plus de participation dans les arénas ou justement d'apprécier plus via des matchs? RDS va présenter 14 matchs. C'est extraordinaire parce qu'au cours des années, justement, on est rendu là. Mais je pense qu'il faut emboîter le pas et de présenter davantage de sport. Madame Sauvageau, il y avait un canal de sport qui a déjà existé au Canada anglais. Je me rappelle plus. Je pense que c'était WTSN. Il a fermé. C'était un sport qui était dédié entièrement au sport féminin. Et malheureusement, il n'a pas fait ses frais. Je trouve ça triste, mais c'est la réalité pareille. Mais revenons aux situations. Moi, je pense que pour les Canadiennes, quelque part, c'est de renforcer encore davantage le partenariat avec le Canadien. Est-ce que c'est ça? C'est sûr qu'il y a plusieurs avenues qui sont le Canadien a vraiment déclaré hier qu'il va continuer à soutenir le hockey féminin, de s'assurer là qu'il y ait des modèles pour les jeunes qui grandissent, qui rêvent potentiellement de jouer pour pour les Canadiennes de Montréal. Alors, ces ententes-là sont là. Maintenant, comment qu'on peut les bonifier? Comment qu'on peut apporter un peu plus de robustesse? C'est ça que les prochaines étapes vont nous amener à négocier, à regarder et à bâtir ensemble. Okay. Mais revenir à votre point tantôt que TSN avait un dédié aux femmes, pourquoi scinder les deux? Pourquoi ne pas, pourquoi intégrer le tout? Pourquoi il faudrait que ce soit les plateformes dites traditionnelles d'avoir plus de sport masculin puis de dédier juste pour... Moi, je crois pas ça. On est 50%, il faut intégrer le tout. Je pense qu'il faut regarder ça de cette façon-là et de pas scinder et de cloîtrer, si on veut, le sport féminin versus le sport masculin. Là, vous avez un bon point, par contre, parce que la LPGA n'est jamais présentée au canal anglophone, à TSN ou RDS. Par contre, la PGA est la même chose. Hein? Les matchs à WNBA ne sont pas présentés à la télévision traditionnelle à part le match des étoiles. Donc, c'est la même chose. Là. En terminant, est-ce que le hockey féminin, on a toujours entendu dire que c'est le Canada et les États-Unis, puis le reste du monde, il n'y en avait pas vraiment. C'est toujours ça. Là. Est-ce que ça a évolué au fil du temps? Moi, j'invite plutôt les gens à évoluer au niveau de leur façon de penser, parce que je suis un petit peu tanné d'entendre ça, je vous avoue. Parce que si on enlevait Canada US de l'échiquier mondial, gagez pas sur personne pour gagner la médaille d'or. Et pendant toutes ces années, là, où, entre autres, on parlait de golf et Tiger Woods gagnait ses tournois, est-ce qu'on lui disait, écoute, les trois derniers trous, tu devrais vraiment faire des bogeys, parce que là, le reste des gars, ils paraissent pas tellement bien. Alors, je pense qu'il faut pas penser de rabaisser vers le bas, mais plutôt de regarder vers le haut. Non, mais est-ce que les autres équipes toutes les autres équipes, dans le fond, c'est que le Canada et les États-Unis, c'est là où il y a le plus de femmes qui jouent au hockey, c'est là qui a un peu plus d'argent que les autres pays. Ouais, okay. Mais cette année, au championnat du monde, il y a 10 équipes. Et encore une fois, si on enlevait Canada-US, la même chose au championnat mondial. Pourtant, on les entend pas, ces arguments-là, lorsque le Canada va gagner 8, 10, 12-0 contre des pays qui sont émergents dans le hockey masculin. On n'entend jamais ces arguments-là. Alors, est-ce qu'on devrait enlever... ça a pris 60 ans à la Suède de battre le Canada dans un championnat mondial. Est-ce qu'on peut penser qu'en 20 ans, justement, sur l'échiquier mondial, dans des pays où, encore une fois, le sport féminin n'est pas autant subventionné que le sport masculin, est-ce qu'on pourrait aussi regarder ça? Alors, Canada et US sont les pionniers. On devrait être fiers de nos leaders. On devrait être fiers. Est-ce que lorsque Félix, lorsque nos joueurs de tennis vont peut-être être des sommités sur la scène mondiale, on va dire, ben finalement, qu'est-ce qui arrive des autres pays? Alors, ces arguments-là, je pense qu'il faut dire, soyons fiers de nos Canadiennes et justement, lorsqu'on parle de 15 millions de téléspectateurs qui regardent le match de médaille d'or aux Jeux olympiques, ben c'est du bon hockey. Alors, on a la chance ici avec les Canadiennes de Montréal et entre autres Toronto et Markham et Calgary d'avoir justement des joueuses de l'équipe nationale ainsi que l'équipe nationale américaine de jouer dans nos rangs. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Alors, il faut arrêter de dire, ben il y a deux sommités mondiales, puis le reste du monde, ben c'est je pense qu'il faut le regarder différemment. On a des grands athlètes dans chacun des sports qui dominent le sport, et soyons fiers que notre équipe nationale féminine domine le sport de hockey. Très, très intéressant. On va suivre les développements, puis au plaisir de se parler qu'il va y avoir des développements. Bien, merci, monsieur. Voilà, donc Danielle Sauvageau, qui est une des figures les plus populaires du hockey féminin au Québec.